Le souper par Edmond Jaloux. On frappa doucement contre le volet extérieur d'une fenêtre. Le comte de Landivers se leva et, marchant sur la pointe du pied, appela à mi-voix. Quelqu'un répondit « Cossack ». Alors Landivers ouvrit la petite porte. Une jeune femme entrait, très pâle, enveloppée d'un grand manteau sombre. « J'ai bien cru que je n'y arriverais jamais, » fit-elle. « Quelle foule ! À tout moment, je croyais qu'on allait m'arrêter. Enfin, je suis là. » Les deux hommes présents lui baisaient la main. L'un, Landivers, était mince, svelte, l'air jeune, et le visage déjà ridé, l'air spirituel et moqueur. L'autre, le baron de Salisbury, gros, court, avec une large face rouge. « Ma chère amie, » dit Landivers, « je vais vous conduire au premier étage. Vous y trouverez Madame de Beaumont en train de s'habiller. » Quand le comte de Landivers fut redescendu, Salisbury lui dit « Vous avez eu une fameuse idée, Landivers, de nous réunir. Nous pourrons nous croire plus jeunes de quelques années et sans révolution. » « Oui, » fit l'autre, amèrement, « cela aura l'air d'un déguisement, notre petit souper. Et pourtant, nous vivions tous les jours ainsi il y a 5 ans. Il y a un siècle. » « Il est convenu, n'est-ce pas, qu'on ne parlera de rien, pas un mot des événements actuels. Mon invitation le stipulait expressément. Je voudrais que nous ayons une soirée d'oubli. On vit dans un tel cauchemar. Savons-nous où nous serons demain ?»« Moi, je le sais, » dit Salisbury. « Sur les grandes routes. Mon passeport est prêt. Dans quelques jours, je me serai mis en chemin. Je vais tâcher de rejoindre le comte de Provence à Bérone. » « Vous souvenez-vous, Landivers, de notre dernière soirée chez les Blédiniers ? Nous nous y trouvions tous 4. Au dessert, cet imbécile de Guérardeau fit un long discours sur la bonté des hommes. Je m'en souviens. Il est guillotiné, Guérardeau. Je voudrais savoir s'il croit toujours à la bonté des hommes. Il y avait parmi nous la princesse de Valmire, guillotinée aujourd'hui, le duc de Mabrian, l'abbé Gilleroy, morts tous 2. Comme Madame de Blidigné, comme sa fille, comme Rouartz. La porte s'ouvrait. Les deux hommes firent mine d'éclater de rire. Allons souper. Madame de Beaumont et Madame de Cossack venaient d'entrer. Elles avaient quitté leurs bonnets, leurs manteaux, leurs cocardes. Elles étaient décolletées, la chair des épaules éblouissante, la gorge blanche dans un corsage ouvert en carré. L'une vêtue d'une polonaise de taffetas des seins de rose et d'un corps de jupe en mousseline des Indes, l'autre d'une veste à la péruvienne traversée en bandoulière par une ceinture de couleur corail, toutes deux coiffées en rouleau avec des plumes d'autruche dans leurs cheveux cendrés. Elles étaient très peintes, peut-être pour dissimuler la fatigue de leurs traits. La marquise de Beaumont, depuis 5 ans, était la meilleure amie de M. de Landivers, et elle revoyait avec émotion cette folie voisine de Neuilly, où depuis de longs mois elle n'avait pas mis les pieds. Les convives pénétrèrent dans un salon tendu de bleu, à baguettes d'or, à grandes glaces ornées de coquilles et de rosaces. Les bougies des lampadaires d'argent éclairaient une table servie et son surtout en statue de gypse. Sur un dressoir, on voyait des monceaux de victuailles, cuisses d'oie nouvelles, jambons de Bayonne, perdrix rouges rôties, tourtes rognons, boudin de blanc poulet aux truffes. Par derrière, les bouteilles s'alignaient. Champagne, Marsac, Tokay, vin du Cap et des liqueurs. Du Mirobolenti, de la crème de bois d'Inde, du rosolio de Bologne. Tout le monde prenait place. « Voici des huîtres, » dit Landivers. « Elles viennent de chez Fiquet, rue Montorgueil. Nous nous servirons nous-mêmes. Justin disparut depuis 1 heure. Je ne sais ce qu'il est devenu. » Et le souper commença. Un souper comme il s'en faisait tant, si peu d'années auparavant, où le plaisir, la galanterie, la liberté d'esprit, l'insouciance, les vins déliaient les langues, allumaient les regards, enivraient les imaginations, développaient en chacun ses plus rares qualités, son éloquence, sa verve, son lyrisme, son à-propos. Souper où on échangeait des mots et des caresses, des balivernes et des aperçus profonds, où l'on interrompait une tirade philosophique par une plaisanterie ou une profession de foi par une déclaration d'amour. Madame de Beaumont et Madame de Cossack ne riaient pas moins que leurs 2 amis. Les anecdotes plaisantes circulaient. on raconta que la fière madame de Lestibois avait épousé un Bouvier pour franchir avec lui la frontière suisse, que monseigneur de Puellune, évêque de Sisteron, avait gagné Rome, déguisé en arlequin, caché dans une troupe de comédiens ambulants. « Jamais il n'aurait été plus lui-même, » fit Salisbury. Un moment après, Landivez étouffa un léger bâillement. « Je vous demande pardon, voici 5 nuits que je ne dors pas. Je suis très fatigué. »« Oh, vous vous écoutez, » lui dit plaisamment son ami. Ces hommes, ces femmes, savaient manger, savaient boire. Vers la fin du repas, le comte de Landivez fit une déclaration fort tendre à Madame de Beaumont. « Belle des belles, vous savez quelle place vous occupez dans mon cœur, et combien l'amour m'attache à votre char. Nulle femme ne fut plus aimée que vous. Mais maintenant il faut que je vous dise merci, oui merci, du fond du cœur. Vous avez, à ces dernières années de ma vie, donné un bonheur complet. J'ai connu, grâce à vous, ce qu'est l'amour, un amour profond, absolu. Et si j'ai eu quelque motif de vous causer amertume ou souci, je vous en demande humblement pardon. » Il se pencha vers la jeune femme et lui baisa doucement l'épaule. « Vous vous attendrissez, mon cher, » dit Salisbury, non sans dureté. « Auriez-vous trop bu ?»« Il faut toujours boire trop, » dit Madame de Beaumont. « Ce que la vie nous offre de meilleur, c'est l'ivresse. »« Oui, » dit Madame de Cossack, « parce que nous avons tous quelque chose à oublier. » »« Quelque chose à oublier. » Madame de Beaumont vivait cachée chez sa nourrice, ne sachant ce qu'étaient devenus les siens. Ruinée, s'attendant d'un moment à l'autre à être découverte par les Jacobins. Madame de Cossack avait refusé de quitter sa mère paralytique et de suivre ses sœurs dans l'émigration. Elle riait et buvait toutes deux. Une légère blancheur perçait à travers les fenêtres. « Nous sommes bien le 15 juin ?» fit Landivez. Comme on répondait affirmativement, il ajouta. « Allons, c'est bien le jour désigné. » Et il leva son verre. « Finissons ce souper, mes chers amis. » comme celui que nous faisions de la guerre chez les Bivigniers. Je bois à l'avenir de l'humanité. » Tout le monde but, l'aube naissante révélait la pâleur des visages. Il y eut un long silence avant que la conversation recommença. Peu de temps après, des coups de crosse heurtaient la grille du jardin. Une voix rauque cria « Ouvrez ! Ouvrez !» Le comte de Landivez sauta sur ses pieds, sa bouche mince avait un sourire amer. « Fuyez, » dit-il, « il y a au fond de l'antichambre un couloir secret. » Vous trouverez derrière la porte Justin, qui vous attend avec un cabriolet et vos vêtements. Filez vite, j'ai tout prévu. Vous ne risquerez rien et rentrerez à Paris avant que les rues cessent d'être désertes. Merci, mes amis, de m'avoir aidé à passer également ma dernière nuit de liberté. Maintenant, adieu. » Madame de Beaumont se jetait dans ses bras en pleurant. Adieu, hâtez-vous. Moi, je suis perdu. Mais je ne veux pas vous compromettre. Oui, ce sont les hommes chargés de m'arrêter. Je suis dénoncé depuis quelques jours. La guillotine m'attend. On devait venir ce matin, mais je ne croyais pas que ce serait si tôt. Et comme les autres hésitaient, il cria. « Allez-vous-en. Ne vous inquiétez pas de moi. Je ne suis ni surpris ni effrayé. J'étais averti depuis hier. » C'était Le Souper par Edmond Jalloux.